À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou varietélcr.ca. Laval et tout le personnel du restaurant Oma Chinois du 1005 Boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Oma Chinois, 1005 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 88-679-3339. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. On est en pleine saison de hockey, mais la saison de baseball se prépare et c'est une nouvelle qu'on a travaillée la semaine passée davantage. On l'a développée, c'est Michel Tifo qui a eu la primeur évidemment, mais qu'on a travaillé, on a développé davantage, c'est que il y a un promoteur qui tente d'emmener l'équipe de l'Empire League Baseball à Ville-Saguenay pour les prochaines années. Sur les médias sociaux, ça a laissé quand même... les gens ont vu que c'était une bonne nouvelle. Ça pourrait être un projet intéressant. Il y a d'autres qui ont montré de l'inquiétude face à l'avenir des voyageurs de Jonquière. On en parle avec celui qui est peut-être le grand responsable du baseball au sein de Saint-Jean, c'est Éric Bégin. Salut Éric! Oui, bonjour Danny. Éric, d'abord tes commentaires là-dessus. Sur tout ce que tu as entendu Richard Lahaye, promoteur. Je pense que même, depuis l'entrevue, il y a eu quand même des pourparlers. Michel Laplante s'est expliqué également là-dessus. Toi, comment tu vois ça? Ben, en tant qu'amateur de baseball et passionné de baseball, tu peux pas être contre ce projet-là. Tu peux être juste, je crois, enthousiaste. Tu peux être curieux. Richard Lahaye a vendu son projet, a amené son projet très intéressant. Michel Laplante a amené aussi son point de vue d'un club école pour les capitales qui est très, très intéressant. Le niveau de jeu de cette ligue-là, même si on l'a jamais vu, me semble assez élevé si on peut comparer à du junior élite. C'est un projet qui est intéressant, mais pour Ville-Saguenay puis pour le baseball régional, j'ai des petites bémols. T'sais, j'ai des petites bémols, surtout au niveau des voyageurs junior élite sur l'impact que ça pourrait avoir. OK. Michel Laplante a bien répondu là-dessus aussi, là, par contre. Oui, sauf que il y a une réalité au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on a, je pense, que la ville de Québec ou les grosses métropoles n'ont pas, c'est les fins de semaine. Les fins de semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour l'avoir vécu au baseball mineur, c'est camping, c'est vacances, c'est pêche et chalet. Fait que si on remplit notre stade de baseball à toutes les fins de semaine, les voyageurs, l'Empire League, le Midget 3, dans le fond, je pense que le partisan pourra pas toujours être présent. Ouais. Fait qu'il y a quelqu'un qui va en souffrir, là, peu importe, là, si on remplit toutes les fins de semaine. OK. Mais ça peut pas être vu comme une popularité également du baseball, mousser davantage le baseball, tu sais, ça... tu me parles, oui, c'est vrai que c'est Michel, tu dis une réalité que Michel n'a pas, c'est vrai. Sauf que par contre, ça peut vendre aussi le baseball, là. Le sport. Oui, c'est un. Oui, bien écoute, c'est pour faire la promotion du sport, du baseball en tant que tel, c'est formidable. Tu dis, plus ton terrain, plus ton stade est occupé, plus il y a des gens qui vont voir, qui vont pratiquer du baseball. Sauf que, c'est ça, ma petite bémol est là-dessus, mais pour être un projet qui est promoteur pour le baseball, oui. Sauf que nos voyageurs ont pas de grosse foule. Puis nos voyageurs ont pas de grosse foule. Une des raisons, je pense, c'est qu'ils n'ont pas de joueurs régionaux. Ils n'ont pas de joueurs locaux. Reculons de quelques années, quand je coachais le junior élite, on n'était peut-être pas une super puissance. Sauf que nos joueurs provenaient à 75% et plus de la région et de Jonquière et des environs. Puis il y avait du monde dans le stade. Fait que un autre bémol, je sais pas si dans l'Empire League, si on n'a pas de joueurs locaux ou si on n'a pas de personnes à qui s'identifier, si on va réussir à aller chercher justement contre l'intérêt du public. OK, OK. Mais c'est mais sans le tuer, sans dire ça n'a pas d'allure, faut au moins, je pense que c'est bon de développer puis de d'avoir des pourparlers avec M. Lahaye. Je sais que j'ai donné le nom, le numéro de téléphone à M. Lahaye par la suite à un promoteur qui m'a contacté. Il y a des gens qui ont levé la main et ont dit oui, ça va être intéressant. Donc au moins, en tout cas, en tant que grand mentor du baseball Saint-Lac-Saint-Jean, c'est intéressant au moins de continuer à regarder ça. Là. On vise pour les prochaines années. Là. Ben, moi, je veux dire, le projet est intéressant. Je pense que M. Lahaye devra s'asseoir avec justement l'Organisation des voyageurs de Saguenay pour peut-être expliquer ou vendre son projet ou ce que les gens vont avoir peut-être des interrogations pour répondre à ces interrogations-là de la part de M. Lahaye. Mais tu sais, en tant que passionné de baseball, je le répète, tu sais, je veux dire, c'est intéressant, ça serait le fun de devenir le club école des capitales de Québec ou ce qu'on aurait une association directe avec les capitales. Ben oui, puis c'est une alliance qui est naturelle, moi je pense en tout cas là. Éric, puisque je suis en ligne, parle-moi de la prochaine saison. Je sais que, écoute, j'ai fait une entrevue avec François Potvin. C'est sûr que je fais une quantité d'entrevues. François Potvin, qui est le responsable du baseball à Normandin, entre autres, puis qui travaille, qui aimerait bien ça avoir que ses kids qui jouent baseball aient plus de matchs. Je ne sais pas s'il y a eu des discussions dans le passé. Je sais que je t'en avais parlé aussi. Est-ce que vous travaillez à développer le Haut-du-Lac aussi pour les prochaines années? Peut-être pas la prochaine année, mais les prochaines années. Ben, on a eu une assemblée, on a eu une réunion v'là trois semaines où ce que justement dans le coin de Métabetchouan, il y a une personne qui est en train de décoller, une association. Sauf que j'ai pas eu le nom de cette personne-là, puis cette personne-là n'est pas non plus rentrée en contact avec moi. Okay. C'est sûr que nous à Alma, on a l'association d'Alma, mais peut-être que pour une première année, ça serait de venir se coller peut-être à l'association un petit peu plus à Alma. Alma pourrait jouer des matchs, comme on dit, peut-être à Normandin, mais à Betchouan. Mm. Mais c'est sûr qu'on fermera aucune porte à aucune ville ou aucune association possible. Nous, ce qu'on veut, c'est se grossir. Si la Côte-Nord est capable de faire du baseball avec des villes puis des villages qui sont à des distances très énormes, je pense qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est capable aussi. Oui, effectivement, effectivement. Ben, Éric Bégin, je te souhaite de joyeuses fêtes. C'est surtout pour avoir des réactions là-dessus de la venue possible de l'Empire League Baseball là, au cours des prochaines années à Ville-Saguenay. Tiens-moi au courant si tu as quelque chose. Merci beaucoup, Danny. Joyeuse fête à toi aussi. Éric Bégin, qui est le grand Manitou du baseball au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui s'est prononcé sur la venue possible de l'Empire League Baseball là, au cours des prochaines années.